Chapitre 4. C'était un brave matelot de New Haven ou de Newcastle, à la figure rubiconde, pleine, grasse, réjouie, flambant le rhum et l'oracle comme un ponche de Noël. Trapu, taillé dans le granit, un vrai breton. Il aurait pu, imitant Samson, nous chasser tous du temple des francs-maçons si la fantaisie lui en eût dit. Il était bien loin de songer à ces énormités-là. Il souriait naïvement du voyage forcé qu'on venait de lui faire faire. Étonné de la bizarrerie de la traversée, il écarquait les yeux, les essuyait avec le dos de sa main bombée en épaule de mouton, puis saluait le président et le médium. Cela fait, il s'assit aussi paisiblement sur sa banquette que si M. Packington, ce redoutable Packington, n'eût jamais existé. Suspendu par le refus obstiné de Shakespeare de répondre plus longtemps aux questions indiscrètes du médium, la séance de spiritisme ne reprit son cours qu'une demi-heure après ce grave incident. Comme elle marchait, selon l'usage particulier à ces sortes d'exercices, dégagée des liens de tout programme, elle permit au médium de solliciter de l'Assemblée par l'organe de son président l'autorisation de questionner, pour son compte personnel, l'esprit de Socrate. L'Assemblée fut heureuse de lui accorder cette permission et elle se prépara à écouter attentivement le dialogue qui allait s'établir entre ciel et terre, entre Socrate et le président Arthur Daniel, au profit du très honorable médium. Socrate appelle le président d'un accent déjà mûri par l'amitié. Pas de réponse. Un temps se passe. Autre appel non moins doux du président. Socrate, Socrate. Même inquiétant silence. Une troisième fois, Socrate est invité à répondre et ne répond pas davantage. D'où vient ce silence? Socrate serait-il fatigué de son rôle de courrier de cabinet? Partagerait-il la bouderie de Shakespeare? On ne savait que penser, que supposer. Après 8 ou 10 minutes données à cette anxiété, le président, par une inspiration digne de lui, eut l'idée d'appeler de nouveau Socrate de sa voix la plus claire et la plus sympathique. Socrate. « M'entendez-vous ?»« Me voilà !» répond Socrate par la main tremblante du médium, tremblement qui résultait de l'émotion de Socrate lui-même. Il avait couru, il était haletant, essoufflé. Son retour fut une fête pour ceux qui craignaient de ne plus le revoir. « Vous m'avez appelé ?»« Plusieurs fois, cher Socrate. »« Que d'excuses n'ai-je à vous faire ? Mais je n'étais plus là-haut. »« On m'avait appelé à New York pour répondre à quelques spiritiques » dont j'ai mérité la confiance. Votre différend avec Shakespeare m'avait autorisé à penser que votre séance était terminée. Me voici de nouveau à vos ordres. Nous ajouterons à ces explications de Socrate un éclaircissement qui leur donnera, si c'est possible, encore plus de valeur. De tous les esprits, celui de Socrate est le plus couru de nos jours. Il ne sait à qui répondre. Cette vogue tient sans doute à l'opinion établie de tout temps que Socrate avait de son vivant un génie familier à son service. Il tenait à la famille des esprits avant même d'y entrer. De là, la faveur extraordinaire dont il jouit et jouira longtemps dans le spiritisme. Quelques autres noms, sans partager cette popularité spiritique, ont leurs fidèles qui les invoquent ou les évoquent. Tels sont Cardan, Mesmer, Cagliostro, Cazotte, Voltaire, etc. Le président continua ainsi le dialogue. Pourriez-vous nous dire, illustre Socrate, si le vaisseau destiné à conduire M. Ralph de Ralph en Amérique, quand celui-ci ira fonder avec M. Daniel la ville des esprits, aura une heureuse traversée? Nous avons dit au début de notre récit, et nous le répétons ici pour plus de clarté, que le médium Ralph de Ralph avait assis de magnifiques espérances sur un mariage avec une jeune veuve présente à la séance, Mme Augusta Morris, mais que dans le but de rehausser sa valeur auprès de cette intéressante dame, il tenait à paraître indécis entre ce riche parti et sa mission spiritique aux États-Unis. Ceci rappelé, nous rapportons la réponse de Socrate. Elle fut lue avec une profonde expression de peine par l'honorable M. Arthur Daniel. La traversée sera heureuse pour tout le monde excepté pour M. Ralph de Ralph. Un coup de mer l'enlèvera par-dessus le pont et le lancera au milieu des flots où il périra. Cette profession sinistre à laquelle il fallait croire, sous peine de ne rien croire de ce qui avait été dit jusqu'ici par les esprits, agita, bouleversa l'assemblée. Elle priait de ses voix les plus suppliantes le médium, son médium chéri, adoré, de ne jamais quitter l'Europe. Mais M. Ralph de Ralph affirma qu'il accompagnerait en Amérique son digne président, quelles que fussent les menaces du sort. Je vis la belle veuve joindre alors ses supplications à celles des amis de M. Ralph de Ralph. En ce moment, peut-être décida-t-elle dans son cœur qu'elle mettrait sa main dans celle d'un homme voué sans cela à un désastre imminent. Je n'ai que des doutes à émettre cependant quant à cette dernière et suprême résolution de Mme Augusta Morris. J'ignore entièrement ce qui s'est fait parmi les spiritiques depuis mon départ de Brighton. M. Daniel a-t-il appareillé de Southampton pour les rivages appelés à voir s'élever sa cité spiritique? A-t-il été suivi de ses 10 000 disciples? Ralph de Ralph l'a-t-il accompagné? Je le répète dans toute ma sincérité, je l'ignore complètement. Mais comme la plupart des médiums ont une habileté exquise pour obtenir de la terre ce qui plaît à leur ambition, il est à peu près certain pour moi que celui de Brighton aura épousé l'opulente veuve ou l'épousera un jour. Qu'étaient devenues ces nombreuses banderoles de papier que j'ai montrées agitées entre 1000 mains, comme de petits drapeaux, et sur lesquels, au commencement de la séance, j'avais lu les noms destinés par ceux qui les avaient écrits dans le silence du cabinet à aider aux évocations? Le moment est arrivé de le dire, parce que le moment est venu où il s'agite de nouveau au front de chaque banquette. Ce gentleman fait passer au président le bulletin où il a tracé le nom de Cromwell, et il veut qu'on évoque Cromwell. Cet autre envoie son bulletin où il a écrit le nom de Cicéron, et il veut qu'on évoque Cicéron. Celui-ci a exigé l'évocation de Thomas Becket, cette lady demande Lucrèce, cette autre lady assise plus loin, Égérie, la nymphe sans portefeuille de Numa Pompilius. Ici, on tient à l'apparition de Cléopâtre, là d'Agrippine, là d'Aspasie, là de Ninon de l'Enclos. On voit que les dames anglaises ne prétendent pas rester neutres dans le spiritisme de la soirée. Elles demandent encore qu'on évoque Desdémone, Marion Delorme, Mademoiselle de la Vallière, Marie Tudor, Marie Stuart, Elisabeth. Tant de noms, coup sur coup, transmis au président, épouvantent son désir d'être agréable à tout le monde. Comment contenter chacun, à moins de donner à la séance une durée de plusieurs jours et de plusieurs nuits? Il se décide à dire à l'assemblée, après avoir pris l'avis du médium, qu'il ne voit d'autre moyen de satisfaire aux nombreuses demandes d'évocation qui lui sont de toutes parts adressées que de mettre dans un chapeau tous les noms de personnages à évoquer et de tirer ensuite au sort les quelques noms dont on aura le temps de s'occuper. Sans être accueilli avec enthousiasme, la proposition fut acceptée et les bulletins furent versés dans le fond d'un chapeau. Avant de procéder au tirage, M. Arthur Daniel demanda si personne n'avait oublié de faire parvenir son bulletin, chose bien importante à la régularité de l'opération. « Aucun nom n'a été omis, » s'informa-t-il une dernière fois. « Aucun nom ?»« Aucun, » répondit l'assemblée. « Pardon, celui de Master Packington a été omis. Bon, voilà l'autre qui revient sur l'eau. C'était bien lui. « Mettez le nom de Master Packington. Je veux Master Packington. Master Packington. » « Soyez satisfait, » dit le président à ce redoutable personnage qu'on avait pu séquestrer à sa place. Mais non bâillonné. Voyez, j'écris son nom. Ce que fit en effet le président. Je plie le bulletin sur lequel je l'ai écrit et je mets ce bulletin avec les autres. Cela vous contente-t-il? Oui, président. Nous laisserez-vous désormais tranquille? Oui, président. Dormez donc. Oui, président. Je vais maintenant, chers assistants, continua M. Daniel, procéder au tirage des noms privilégiés appelés à fournir de sujets à nos évocations, vous engageant à vous joindre à moi pour prier les chefs des esprits de nous être favorables. La prière dite, un nom sorti du chapeau, c'était celui. Le président s'arrêta. Il n'osa pas prononcer le nom écrit sur le bulletin. « Mais lisez, lisez donc !»« Vous l'exigez. Eh bien, ce nom est celui de... Satan. » Un murmure de terreur courut comme un frisson dans l'assemblée. « Exigerez-vous, reprit M. Daniel, que j'appelle le vieux gentilhomme ?» En Angleterre, c'est le nom grotesque dont on affuble le diable. Old gentleman. Non, n'est-ce pas? Non, crièrent quelques-uns. Non, non. Oui, crièrent quelques autres, les esprits forts. Non, non, répétèrent ceux-ci. Évoquez, répétèrent ceux-là. N'évoquez pas, évoquez, n'évoquez pas, évoquez. Que ceux qui sont d'avis, dit M. Daniel, se réfugiant pour sortir d'embarras dans les formes parlementaires, que ceux qui sont d'avis que j'évoque l'esprit du mal veuillent bien lever la main. Des mains en grand nombre se levèrent. Que ceux qui sont d'un avis contraire veuillent bien lever la main. D'autres mains en moins grand nombre se levèrent. « Messieurs, dit le président, pâle jusqu'à la racine des cheveux, le diable est adopté. Je vais l'évoquer. » Il s'opéra beaucoup de mouvements vers la porte. J'oserais pourtant assurer que personne ne sortit. On craint le diable, mais au fond, on n'est pas fâché de le connaître. « Socrate, êtes-vous là ?»« Oui, que me voulez-vous »« Pouvez-vous nous mettre en communication avec Satan ?»« Je ne sais pas, » répondit Socrate, un peu ému. « Je vais essayer. » Quelques minutes après cet étrange appel et vers l'instant où il devenait probable que Socrate allait nous rapporter l'extrémité du lien de communication tiré entre le roi des enfers et nous. Un visible malaise régna dans la salle. On bâillait. Il y avait des tiraillements nerveux partout. Des yeux se mouillaient de larmes. Les lumières papillotaient. L'air se faisait difficile, lourd, la chaleur intolérable. L'imagination agissait d'une façon prodigieuse, délirante sur les corps. On tremblait comme à l'approche d'un orage. L'électricité eût jailli en étincelles de la pointe de chaque cheveu des spectateurs si une baguette d'acier eût été promenée sur leur tête. « Il est incontestable, messieurs, dit le président toujours ému, que l'esprit des ténèbres n'est pas loin. Quelle question, quand il va être là, lui adresserai-je en votre nom ? Vous lui demanderez où il est et ce qu'il fait en ce moment. La question a-t-elle l'assentiment de la majorité ? S'informa M. Arthur Daniel. « Oui, monsieur le président, évoquez. » Le président, le front chargé d'inquiétude, énonça la question. Le malaise des spectateurs augmentait de seconde en seconde. La main du médium vola horizontalement sur la table. Le silence était si complet qu'on entendit le sifflement de la pointe du crayon sur le papier. De place en place, on murmurait « Le médium écrit, l'esprit des ténèbres est parmi nous. » En frissonnant, M. Daniel lut ce qu'avait dicté Satan. Ses propres paroles furent celles-ci. « Où suis-je ? Dans l'Inde. Qu'est-ce que j'y fais ? J'y tue. » L'effet de cette réponse se devine. Il augmenta l'effroi de ceux qui avaient déjà peur, il irrita la témérité des libres penseurs, et ils étaient en très grand nombre. « Président, lui dirent ces derniers, informez-vous auprès de lui où est Nana Sahib. » « Satan, où est en ce moment l'exécrable Nana Sahib ? Il est ici, c'est moi. Satan aux enfers, je suis Nana Sahib dans l'Inde. Mais je suis pressé, il faut que j'y retourne. Avez-vous fini de m'interroger ? Il n'y avait plus qu'un seul sentiment dans la salle parmi les croyants, l'horreur. Ceux qui n'étaient pas tout à fait croyants élevèrent la voix pour dire « Président, on vous prie de faire encore une question, vieux gentilhomme. Quelle question, monsieur ? Sachez de lui quand finira la guerre des Indes. Satan, Satan, Satan ! Monsieur, quand finira la guerre des Indes ? Jamais. La réponse produisit l'effet d'un coup de tonnerre sec. Aussi, quand une voix, celle à coup sûr d'un descendant de Prométhée ou d'un arrière-petit-fils de Don Juan, osa de nouveau dire au président, foudroyé comme les autres, « Demandez-lui. » « Je ne lui demanderai plus rien, monsieur, » interrompit résolument le président. « Je ne veux pas mourir sous les efforts surhumains que je fais pour soutenir un pareil dialogue avec l'esprit des ténèbres. » On prit en considération l'état moral trop surexcité de M. Daniel. Il ne lui fut plus imposé aucune question. Ce ne fut même qu'un long quart d'heure après l'émouvant épisode que nous venons de raconter qu'on l'engagea à extraire un autre nom du fond du chapeau.